It's Kelpie Vibes. No. Un jour ou l'autre, je réussirai à te garder à mes côtés. Yeah. Un jour ou l'autre, j'arrêterai définitivement de me contenter. Yeah. Un jour ou l'autre, je t'offrirai plus que quelques nuits dans un hôtel. Je t'aurai toute la nuit et même après l'aube. Je te cacherai pas, le monde doit voir ta pauvreté. Je le vois, je le vois, oui je le vois, oui je le vois, oui je le vois, ouais. Tu me cherches, et quand je te trouve, tu préfères disparaître. Et dis-le-moi, dis-le-moi, oui dis-le-moi, oui dis-le-moi, oui dis-le-moi, yeah, yeah. Un jour ou l'autre, yeah, yeah. Un jour je te... Tu fais ressortir ce qui est bon, mais en même temps ressortir ce qui est mauvais. Je peux pas continuer de te laisser jongler. Yeah. Danger, notre amour est dangereux. Tu nous fais jouer à des jeux dangereux. Mais je crois que j'aime ce petit jeu. Mon cœur voit bien mieux que mes yeux. Je me fie à ce qu'il veut. Tu nous fais jouer à des jeux dangereux. Mais je crois que j'aime ce petit jeu. Yeah, oh Lord of mercy. She do me nice when she touch me. Then she do me clean, not dirty. Nobody love me by the way when she love me. She tell me love is danger, love is real. No give me this when she love me. She tell me nobody love me but she love me. She tell me say she dey love me past the money. Can all of man dey pray for, man dey pray. Say my love for you na confirm, na confirm. Say my love for you na confirm, na confirm. Oh, nobody go fit touch am, touch am. Cause my love for you not confirm, oh not confirm. Danger, I don't say love you not danger. Slow down, baby, confirm. This kind of love, you know my guns up. And I go there for you for a long time. And I say love you not danger. Slow down, baby, confirm. Slow down, baby, confirm. Danger, notre amour est dangereux. Tu nous fais jouer à des jeux dangereux. J'aime ce petit jeu. Mon cœur voit bien mieux que mes yeux. Je me fie à ce qu'il veut. Tu nous fais jouer à des jeux dangereux. Mais je crois que j'aime ce petit jeu.